Ton réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux. Comment 6 heures ? Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de vous réveiller avec France Culture. Et avant les premières informations du jour, le magazine culturel Un autre jour est possible, c'est tous les jours de la semaine de 6h à 6h30, ou quand vous voulez, si vous le voulez, en passant par le podcast et l'écoute en ligne disponible sur franceculture.fr. Une demi-heure où l'on prend le temps d'explorer l'univers d'un chercheur et l'imaginaire d'un créateur. Et aujourd'hui, jeudi 22 octobre, c'est le jour de la sortie des dernières aventures d'Astérix, le papyrus de César, par Yves Ferry et Didier Conrad. On en parle demain en deuxième partie de l'émission comme tous les vendredis. Mais depuis lundi, l'universitaire Nicolas Rouvière nous parle d'Astérix dans le chaudron de l'identité nationale. Dans un instant, le quatrième épisode. En deuxième partie, je reçois Brahim Metiba qui a publié deux textes en l'espace de quelques mois chez Mot Conduit. Deux récits courts et poignants, l'un dédié à sa mère, l'autre à son père. On en parle aux alentours de 6h20. Tout de suite, Tête chercheuse. Astérix dans le chaudron de l'identité nationale par Nicolas Rouvière. Bonjour. Bonjour. Quatrième partie aujourd'hui, le village gaulois et le nationalisme français. On peut faire plusieurs lectures d'Astérix, mais est-ce que ces lectures différentes qu'on fait d'Astérix ont évolué avec le temps, où on retrouve les mêmes clivages, les mêmes débats, les mêmes doubles interprétations? Alors, une lecture politique récurrente a consisté et consiste encore à identifier Astérix à, on va dire, une idéologie gaulienne au sens large. D'abord en raison de la conjonction avec le retour du général de Gaulle au pouvoir, en raison également de la thématique résistentialiste. Finalement, on exalte une vision de la France résistante durant cette période. Et puis, alors, différents éléments qu'on a pu noter, par exemple la présence d'une aigle américaine figurée sur une voile d'un navire romain en rade de Gesocribat dans le Tour de Gaulle, a fait identifier avec une sorte de lecture à clé l'Empire romain à l'Empire américain. Donc on a argué que Astérix représentait une conception de l'indépendance nationale vis-à-vis voilà de l'oncle Sam, etc. Donc tout ça, ce sont des lectures récurrentes avec l'idée que j'avais déjà évoquée de ce changement de mythologie nationale, la France à travers Astérix qui deviendrait non alignée, une France qui résiste, etc. face au grand bloc. Mais on peut dire qu'on pourrait tout aussi bien renverser la perspective. Par exemple, la dialectique gaulienne du peuple et de l'État. Pour De Gaulle, le peuple français remonte aux Gaulois, il a 20 siècles d'âge, alors que l'État français remonte aux Mérovingiens, il a 15 siècles. Et cette idée gaulienne, très gaulienne, selon laquelle il faut faire taire les divisions du peuple en l'unifiant à travers un État fort, finalement, cette conception, elle peut être renversée dans Astérix, puisqu'on a finalement un petit régionalisme frondeur à l'égard du pouvoir central. Donc finalement, il y a beaucoup de choses qui sont réversibles de cette façon. On pourrait aussi, à travers toute la représentation dans Astérix, du pouvoir de l'administration, les douanes, les préfets, etc., police, gendarmerie, enfin, à travers les centurions, etc., la Légion, imaginer qu'il y a une critique, la bureaucratie, les impôts, le fisc, une critique d'une forme de place trop importante de l'État, etc., ce qui correspondrait à une lecture plus libérale d'Astérix. Alors, il faut naviguer entre ces différents thèmes, les passer en revue, qu'il s'agisse de la représentation de l'Europe. Par exemple, c'est une Europe des nations, mais où la Grande-Bretagne prend toute sa place dans Astérix. Qu'il s'agisse de la critique du capitalisme. Il y a une critique quand même assez amusante autour de l'exploitation. Par exemple, on se souvient d'Épi de Maïs, le marchand phénicien qui fait signer un contrat complètement abusif à l'égard de ses employés condamnés à ramer dans les galères. Ou Obélix et compagnie, qui met dos à dos le nouveau libéralisme, le management libéral de la nouvelle vague avec la personnalité de Jacques Chirac caricaturée, et qui renvoie cette nouvelle conception dos à dos avec le vieil étatisme représenté par César, dans une logique gaullienne plus sans doute traditionnaliste. Donc voilà, on peut passer en revue toutes ces thématiques. En passant par la lutte des classes, parce que bien sûr, Lutèce, c'est vraiment la capitale où tout est raffiné, alors que le village des Gaulois, qui ont beau être fort, ça reste une culture du terroir. Voilà, il y a le clivage entre la capitale et la province, très, très fortement marqué. Il y a le clivage entre les générations également, qui est très fortement marqué. Et puis, la question des classes sociales aussi est présente. Par exemple, on a une double satire du syndicalisme dans Le Domaine des Dieux. Première version, les Gaulois vont venir en aide aux esclaves représentés par le numide Duplicata, qui revendique la fin du travail à la chaîne, entre autres. Donc des revendications contemporaines qui ont la sympathie du lecteur, on va leur donner de la potion magique, ils vont s'affranchir, etc. Mais dans le même album, il y a une autre version du syndicalisme qui, elle, est beaucoup plus noire. C'est lorsque les légionnaires réclament l'autogestion dans la Légion et font de multiples commissions et sous-commissions qui mettent en rogne le centurion. Donc à chaque fois, il n'y a jamais de lecture univoque d'Astérix. C'est toujours, pour chaque thématique, toujours réversible, et les auteurs ont vraiment veillé à ça, à éviter les récupérations. Alors moi, j'ai essayé malgré tout de dégager une ligne finalement qui est empreinte du radicalisme de la Troisième République, avec une conception vraiment de la démocratie contre les dérives personnelles du pouvoir. Un village gaulois qui est une petite république laïque, puisque les multiples divinités gauloises sont moquées. On sait qu'il y en a 75, la dernière étant la déesse de la Seine, ça n'est pas un hasard. On sait que le druide n'a pas une image occultiste, c'est plutôt le druide laïque, la figure de l'instituteur, dans une veine qui était celle de l'historien franc-maçon Henri Martin au XIXe siècle, qui représentait ainsi le druidisme dans son Histoire de France populaire. Donc des valeurs radicales, démocratiques, laïques, et puis anti-impériales, on l'a longuement évoqué. Et moi, j'avais tendance à orienter cette lecture vers une autre figure, pas si éloignée du général de Gaulle, mais qui est quand même l'un de ses adversaires, à savoir Pierre Mendès France. Et on sait que René Goscinny avait une admiration très forte pour Pierre Mendès France. Il en avait parlé à celui qui a pris sa suite à la tête du journal Pilote, Guy Vidal. Et donc, ce qui est très troublant, c'est que à la fin d'Astérix le Gaulois, il y a un face-à-face très ambigu, le premier, entre César et Astérix. Les Gaulois déjouent un complot contre César, et en même temps, ils s'opposent à lui en tant qu'autocrate. Et avec tout le risque que ça représente de dérive personnelle vers l'absolutisme, etc. Donc il y a un rapport ambigu à César, qui s'explique aussi parce qu'Astérix essaye de tenir une ligne à peu près équilibrée entre deux conceptions du mythe gaulois, une conception celtomane et une conception romaniste. Mais voilà, donc les choses ne sont pas simples en réalité. Même si votre analyse, elle est plutôt humaniste, et vous êtes plutôt du genre, Nicolas Rouvière, à faire une lecture gaulienne des aventures d'Astérix. Mais les mêmes arguments peuvent être retournés comme une crêpe, et on peut faire une lecture autre des aventures d'Astérix. D'ailleurs, Goscinny et Uderzo, s'ils se sont défendus des accusations de nationalisme, c'est bien parce qu'il y avait matière à se poser des questions. Alors, sur la question du nationalisme, là, les auteurs sont intraitables. Hein. C'est-à-dire que Goscinny fait référence à la critique récurrente qu'ils font du chauvinisme gaulois dans la série. Quand il le faut, il invoque ses origines et la déportation de ses trois oncles dans les camps de la mort. Et donc là, ça relève du contresens, le nationalisme pour Astérix. Par contre, c'est vrai qu'une certaine idée de la nation... et de l'Europe des nations en train de se construire, oui, à sa place. Mais il faut immédiatement dire que De Gaulle n'en a pas le monopole et qu'on est dans l'air du temps. Les conceptions de Mendès ne sont pas si éloignées, également vis-à-vis du jacobinisme. Donc, je crois que voilà, il faut être très prudent avec ça. Je crois qu'on peut s'entendre sur une conception voilà, laïque, républicaine, moderne de la démocratie, imprégnée des valeurs de la radicale de la Troisième République, et puis anticolonial, anti-impérial. Voilà. Et anti-système aussi, on peut le dire. Ne serait-ce que le physique des deux héros, Astérix et Obélix, qui ne répond surtout pas au canon du héros, qui doit être fort mais beau et présentable, ça, Uderzo et Goscinny prennent tout le monde à contre-courant. Oui, alors Astérix, c'est l'anti-superstar. On prend le contre-pied des super-héros de la bande dessinée US, ça c'est certain, et on prend aussi le contre-pied de l'imagerie héroïque du mythe gaulois. Hein, c'est pas le grand blond à l'œil torve, etc. C'est plutôt le petit gnome contrefait, affublé d'un lourdeau infantile. Donc ça, c'est certain. Et l'image patriotique aussi en prend un coup. Pensons par exemple à la reddition de Vercingétorix telle qu'elle est représentée. Évidemment, on se moque de César parce qu'il reçoit les armes de Vercingétorix sur ses pieds et s'en va claudiquant vers d'autres conquêtes. Mais il est représenté de façon tellement caricaturale, avec son dos proéminent, son mont légalbé d'homme de cour, sa posture, etc., qu'on se moque aussi des visions cocardières des manuels scolaires exaltant la figure du héros de la patrie, etc. Donc il y a une double lecture en réalité. Demain, suite de notre série avec Nicolas Rouvière, Astérix dans le chaudron de l'identité nationale. On va terminer cet entretien par une chanson typiquement française, on ne peut plus française, mais avec quelques racines étrangères, un peu égyptienne, un peu italienne, Dalida. Non è più la mia canzone, non è più mia oramai. Io che l'avevo scritta in una soffitta, amavo la mia canzone, non è più mia oramai. Parole le hanno cambiate perché cantavo la mia vita ma non l'han capita, ho quasi pianto quando l'ho sentita, non è più mia oramai. Darsi che farà successo, ma non è più la mia canzone. Ils ont changé ma chanson. Un autre jour est possible, par Soufik Hakem, tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel. Bonjour Brahim Mitiba. Bonjour. Vous avez 38 ans et cela fait 15 ans que vous vivez en France, à Paris, où vous exercez le métier de chef de projet d'intégration de logiciels. Vous êtes informaticien, mais vous êtes là ce matin parce qu'en l'espace de quelques mois, vous avez publié deux courts récits chez Mot Conduit, deux récits intimistes puisqu'ils évoquent votre relation à vos parents, à votre mère d'abord, dans Ma mère et moi, puis à votre père, dans Je n'ai pas eu le temps de bavarder avec toi, et intimiste également dans le sens où tout ce que vous n'avez pas pu dire à vos parents, vous en faites la matière de vos deux premiers romans. Et pour avoir une idée du style et du propos, j'ai choisi de vous faire lire un extrait par roman. On va commencer par Ma mère et moi. Ok. Le 21e jour. J'habite en France depuis 14 ans. Je suis né, j'ai grandi en Algérie. J'ai quitté un système étouffant, une pensée étroite et figée. J'ai voulu plus de liberté. Le changement a été dur. Ma mère a raison quand elle dit que j'ai changé. J'ai beaucoup changé. Ce changement, en plus d'avoir été douloureux, a eu comme conséquence de m'éloigner de ma mère. Éloignement que j'essaie de réduire en racontant à ma mère l'histoire d'Albert Cohen, parce qu'il est orphelin et qu'il aime sa mère, et que ma mère aime ses histoires. Mais aussi parce qu'il est juif, et que ça me fatigue d'entendre de toutes parts, d'abord en Algérie, puis en France, des idées reçues sur les uns et les autres. Ça me fatigue d'entendre les uns et les autres parler de vérité, de sens et de Dieu, comme si les uns avaient compris là où les autres auraient échoué. Je ne peux pas m'attaquer à tout le monde, d'ailleurs tout le monde ne m'intéresse pas. Alors j'essaie de créer un cadre où, au moins ma mère, parce que c'est elle qui m'intéresse le plus et que mon éloignement d'elle est le plus douloureux, se remettrait en question, pour qu'elle m'accepte enfin, pour qu'elle accepte que je puisse donner à vérité, sens, bonheur et vie d'autres sens que ceux qu'elle utilise. J'essaie de secouer ma mère dans ses certitudes, pour qu'elle accepte que je ne puisse pas désirer les femmes et que ça ne changera pas, que j'aime les hommes et que ça ne changera pas. Mais ce n'est pas possible, ma mère le sait, et c'est pour cette raison qu'elle ne veut pas parler, qu'elle ne veut pas discuter, qu'elle ne veut pas se placer sur le plan des idées et des mots. Elle veut simplement que nous déjeunions ensemble et que nous chantions « Vienne est un coin du paradis ». Elle veut que nous regardions des vieux films égyptiens en noir et blanc et que nous nous exaltions avec Warda lorsqu'elle chante « L'ivresse de la liberté ». Voilà, c'est un extrait de votre premier texte paru juste avant l'été, « Ma mère et moi », page 57, le 21e jour sur 23. Et puis, depuis quelques semaines, il y a ce second texte, c'est un deuxième livre, cette fois-ci autour de votre père qui est venu vous rendre visite en France. Il vous laisse donc un mot sur la table avant de repartir à Alger. « Je n'ai pas eu le temps de bavarder avec toi, je te laisse ce ticket de métro, ton père. » Et du coup, vous avez décidé de prendre la première partie de ce mot comme titre du récit. « Je n'ai pas eu le temps de bavarder avec toi. » Vous prenez ce ticket de métro, vous faites une balade dans Paris. Et bien sûr, durant cette balade, ce sont les souvenirs avec votre père qui remontent en surface. Des souvenirs, mais aussi des propos, des réflexions autour de votre père. Deuxième extrait, Brahim Itiba, cette fois-ci, c'est carrément le final, c'est-à-dire la dernière page. Je me souviens de l'année où j'ai eu mon bac en Algérie, pour deux raisons. Étant le dernier d'une fratrie de 7 enfants, mon père a dit « Maintenant, je peux me reposer. J'ai fini mon travail. » Ce jour-là, mon père a eu le sentiment du devoir accompli. De mon côté, mon bac en poche ne pouvait pas m'aider à affronter le deuxième événement marquant de cette année et que mon père ignorait, la mort de K. Depuis quelques années, j'essaie de réduire le fossé entre mon père et moi, entre ma mère et moi, entre mon père et ma mère, entre l'Algérie et la France, entre Paris et sa banlieue. Il y a quelques années, place Saint-Georges, quand je suis resté admiratif de Pierre, j'ignorais comment agir. Aujourd'hui, je le sais par l'écriture. Brahim Itiba, est-ce que cette envie d'écrire a toujours été liée à cette incommunicabilité avec vos parents ? Oui. Alors, au début, il y a le sentiment d'incommunicabilité et surtout le sentiment de solitude, d'ennui. Et ensuite, ce sentiment s'est transformé en écriture. Disons qu'à la base, il y avait d'abord le sentiment que j'essayais de régler, auquel j'ai essayé de trouver une solution. Ça n'a pas tout de suite été l'écriture. Et puis, en effet, j'ai trouvé l'écriture. Qu'est-ce qu'il y avait avant l'écriture, alors ? Avant l'écriture, il y a eu pas mal de tentatives pour apprendre et jouer de la musique. Il y avait le chant aussi, chant qu'on retrouve beaucoup dans Ma mère et moi. Et puis voilà. Mais cette culture du non-dit, c'est aussi une manière de se protéger. Or, elle semble plutôt douloureuse dans votre cas, Brahim Métiba. Oui, j'écris à partir d'une douleur, ça c'est sûr. Dans le cas de Ma mère et moi, la mère du narrateur semble très à l'aise dans ce non-dit et dans ce silence-là. Le père dans « Je n'ai pas eu le temps de bavarder avec toi », on l'entend moins, et de fait, c'est parce qu'il est absent. Mais il est à l'aise aussi, à mon avis, avec cette situation-là. Ça dit aussi beaucoup de choses sur le besoin de parler dans deux générations différentes. On va à la génération de mes parents qui est très à l'aise avec le silence, alors que, en effet, pour moi, c'est quelque chose de très douloureux et j'écris à partir de cette douleur-là. Ces deux récits, Brahim Métiba, font partie d'une trilogie, puisque vous vous apprêtez aussi à écrire un livre sur votre rapport à la famille, mais cette fois-ci en parlant de vos frères et sœurs. Oui, tout à fait. Je pars cette fois-ci, donc c'est le même thème, hein, c'est comment on arrive dans une famille, on arrive en dernier, ce qui a été mon cas, et comment on vit cette différence-là, la différence avec les parents, je n'ai pas eu le temps de bavarder avec toi, je dis, mes parents étaient déjà vieux à ma naissance, ma mère avait 40 ans, mon père 48, et donc je vous laisse imaginer le décalage avec mes autres frères et sœurs. Et donc la question, une troisième fois, c'est comment faire avec cette distance-là et avec cette solitude-là. Cette fois-ci, je décide... Pardon. Pour combler le vide et l'ennui et pour sortir de la solitude. Alors oui, ça se fait pas mal dans la parole et a fortiori dans l'écriture. Et cette fois-ci, donc, je décide de... Je prends la flûte enchantée qui est une œuvre qui m'a toujours fasciné. Et je donne la parole à Papageno, alors évidemment il y a une forte identification en lui, de ma part, et je lui donne la parole pour raconter ce qu'il ressent devant ce frère, qui est Tamino, et ce qu'il ressent devant ce frère brillant, beau, prince, ténor, etc., à qui tout semble réussir. Mais l'introduction de l'écrit dans cette culture qui est plutôt une culture orale, est-ce que ça vous rapproche de vos parents, de l'histoire que vous avez eue avec vos parents, mais aussi peut-être avec le pays d'origine? Ou est-ce que c'est une manière aussi d'assumer cet isolement et de vivre avec désormais? Il y a un peu des deux. Il y a l'espoir du rapprochement. Mais je crois qu'il va falloir que je fasse une croix dessus, parce que la distance est trop grande. L'écrit ne peut pas me rapprocher de ma mère, pour la simple raison que ma mère ne sait ni lire ni écrire. Pour la culture d'origine, je crois qu'il y a encore beaucoup à faire, mais il faut le faire. Il faut écrire sur des sujets sensibles. Ça ne viendra probablement pas tout de suite parce qu'encore une fois la distance est grande. Pour le deuxième aspect de votre question concernant cette douleur et cette solitude, en effet vous avez raison, je crois que c'est devenu aujourd'hui un moteur d'écriture et je n'écris pas forcément pour renouer les fils. Exactement, j'écris pour combler cette solitude là et j'écris à d'autres, à ceux qui veulent bien lire et se retrouver dans ce que je décris. Et j'écris en France et j'écris en français, donc ça dit aussi beaucoup de choses. Est-ce que votre père a lu vos livres, Brahim Métiba? Je ne sais, pour ma mère et moi, je ne sais pas. Ma mère et moi a créé un petit problème au sein de ma famille. Du coup, je n'ose même plus poser la question de qui l'a lu, qui ne l'a pas lu. J'ai décidé de le mettre de côté et de considérer que... comme je vous le disais, ce n'est pas une bonne idée de créer du lien tout de suite parce que visiblement c'est ça a créé des problèmes. Pourquoi? Parce que vous parlez de votre homosexualité. Exactement, oui. Mmh. Mais c'était le but recherché. C'était d'exprimer enfin l'inavouable en passant par l'écrit. Oui, sauf qu'entre-temps, il y a justement l'écrit. Et que l'écrit, moi quand je parle de ces deux livres, je dis toujours le narrateur. parce que d'une part, ma mère et moi est une fiction, c'est-à-dire ce qui est raconté n'a jamais eu lieu, même si en effet je pars d'une base autobiographique. La différence, c'est justement l'écrit, c'est que aujourd'hui, je ne suis plus dans une revendication. En gros, je n'ai pas écrit ma mère et moi pour faire un coming out. J'estime que ça n'a pas d'intérêt. J'ai écrit plus pour produire une musique. Parce que c'est au moment où ces deux personnages, donc le narrateur et sa mère, chantent que finalement leurs deux voix s'harmonisent. Et j'ai écrit aussi pour c'est comme une lettre à la mère, c'est à la mère MER, c'est quelque chose que je jette et qui peut servir à d'autres. Je n'ai pas forcément écrit pour mes parents. Vous auriez pu écrire ces mêmes propos, développer les mêmes idées, les mêmes sentiments dans la langue maternelle, dans la langue de votre mère, en arabe ? Je ne crois pas. Pourquoi ? Parce que le français, pour moi, est une façon justement de me libérer et de dire beaucoup plus. D'autre part, le français, ces deux textes sont assez mélancoliques et la structure du français me permet, sa monotonie me permet de mieux traiter la mélancolie que l'arabe qui est beaucoup plus chantant. Ma mère et moi, je n'ai pas eu le temps de bavarder avec toi. Les deux textes édités chez Beauconduit sont déjà en librairie. On attend donc le troisième qui viendra pour bientôt. Est-ce que une fois que vous avez réglé le problème de votre appartenance à la famille, des rapports que vous avez pu avoir avec votre mère, votre père, votre famille, le pays d'origine, est-ce que vous allez continuer à écrire Brahim Itiba ? Oui, probablement, sûrement même, mais ce sera dans d'autres contextes. Mais déjà, je n'ai pas eu le temps de bavarder avec toi, ça dépasse l'aspect purement familial. Il y a, ça se passe donc entre Clichy et le centre de Paris, et il y a beaucoup plus que le rapport à mon père. Bienvenue dans le monde de la littérature, Brahim Itiba. Bonne nouvelle. Pour avoir juste votre humeur en ce jeudi 22 octobre, je vais vous proposer de choisir trois questions et d'y répondre. Quel est le plus tenace de vos souvenirs d'enfance ? Alors je suis assis dans ma chambre et la chambre est bien rangée. Il n'y a pas beaucoup de jouets et il ne se passe pas grand-chose. Deuxième question. Est-ce que vous chantez ? Oh oui, beaucoup. Les quoi ? Warda ou... Warda, Asmahan, Om Kultoum. Ouais. Et la chanson française aussi, j'aime beaucoup. Qui ? J'aime beaucoup Gainsbourg. J'aime beaucoup Jean-Jacques Goldman. Troisième question, Brahim Itiba. À qui pensez-vous le plus en ce moment ? Vous n'allez pas faire comme dans... vos récits, vous n'allez pas nous donner une initiale. Là, il faut un nom, un prénom. Il faut absolument que ce soit une personne. Non, mais... À quoi, peut-être ? À mon livre, il vient de sortir, et à ma place dans la littérature, et à ma place en tant qu'écrivain, et ce que j'aimerais faire en public, et voilà. Merci Brahim Itiba d'être passé ce matin. On se retrouve demain pour la suite de notre série avec l'universitaire Nicolas Rouvière, Astérix dans le chaudron de l'identité nationale. Et en deuxième partie, comme tous les vendredis, on parlera de bande dessinée. Et demain, on parlera de la dernière aventure d'Astérix, le papyrus de César, en recevant les deux auteurs, Yves Ferry et Didier Conrad. Bonne matinée sur France Culture, à demain.